rêver qu'enfin on affronterait le destin, défaire les attaches et rêver un peu, s'asseoir tous ensemble autour du feu. J'aimerais enflammer ton cœur, que l'on parte à la recherche du bonheur. J'ai rêvé l'autre nuit que tous ensemble on chantait du Bob, il me semble. Il y avait là Black Blanc Beurre, et c'était avec un pincement au cœur que je me suis réveillé ce matin. J'ai foncé tête baissée dans le train, j'ai observé les gens détourner le regard avec cette peur même de s'asseoir. Un principe, laisser toujours une distance dans le comportement, cette méfiance. Les gens se bousculaient sans s'excuser, les gens se poussaient pour être les premiers. J'ai rêvé que l'on laissait tout tomber, qu'on ferait la fête sans s'arrêter, toute une nuit sans réfléchir, toute une nuit qu'avec des sourires. Partout dans l'espace fleurirait l'espoir et tous les gens se mettraient à croire. J'ai rêvé toute la nuit de faire l'amour, toi liberté conquise sans retour. Je voudrais que tu t'installes ici, que tu prennes place dans toutes les vies. Des fleurs pousseraient sur ta poitrine en pleine face, une brise marine. Une chose paisible et irrégulière, quelque chose de surprenant je veux faire. Stopper toutes les volontés de nuire, prendre ses jambes à son cou, fuir, téléporter tous au bord de l'océan, se poser sur le sable et prendre le temps. Prendre le temps dans les yeux se regarder, prendre le temps de longtemps s'aimer, poser ma joue une nuit contre ton ventre, écouter le chant de ton cœur au centre, se laisser bercer par les vagues mélodiques, le sable chaud réchauffera ton allure angélique. J'ai rêvé l'autre nuit qu'on s'en irait loin, rêvé qu'enfin on affronterait le destin, faire les attaches et rêver un peu, s'asseoir tous ensemble autour du feu.